Le premier chagrin d'un enfant. Le chagrin t'a touché, mon beau garçon, tu pleures. Ta lèvre tremble. Allons, te voilà dans nos rangs. Tu viens d'apprendre. Oui, mais nous laissons expirants. Oui, la vie est malade, avant que tu l'effleures. Que veux-tu, tes épis pleins de lait, verts encore, pour tes jeux de larcin plus attrayants que l'or? N'iront pas égayer sous ce treillage vide le ramier de tes dons si tendrement avides? Tu courais dans ta joie, et puis un dard moqueur t'a frappé dans le sein. Pauvre enfant, c'est le cœur. On ne peut te l'ôter, la vie est là. Des larmes baignent à ton insu ta pâleur et tes charmes. Tu ne te sauves point dans ton premier effroi. Un instinct te l'a dit, la mort est devant toi. Oui, le pilade ailé de ta coureuse enfance, doux et muet témoin de tes ébats naïfs, qui se laissait aimer ou gronder sans défense, qui savait te répondre en murmure plaintif. Ton camarade est mort. Cette idole livide grave le premier deuil sur la page encore vide de ta mémoire vierge. Oh, que tu souffriras! Ce que tu dois aimer, oh, que tu l'aimeras! Car nul cri ne t'échappe, et d'un muet courage, sous ta petite main tu contiens tout l'orage. Mais je te sens souffrir de ce qui souffre en moi. Ce qu'on aime est si triste, ainsi grisant et froid. Nul chagrin n'entrera plus au fond de ton être. Nul amour ne sera plus vrai pour toi, peut-être. Là-bas, dans l'avenir où coulent tes beaux jours, à ton beau ramier bleu tu penseras toujours. Et plus tard, abattu sous les vents du voyage, seul au bord d'un sentier dépeuplé sans fraîcheur, sans soleil et navré de quelque adieu railleur, tes yeux retourneront tristes vers l'humble cage où t'attendait l'ami par ton souffle éveillé, qui vivant sur ton cœur ne l'a jamais raillé. Oui, tu regretteras cet amour sans mélange, et tes pleurs innocents où se mire un jeune ange. Tu diras dans ton sort, plein d'échos du passé, par des amis ingrats amèrement blessés. Oh, je voudrais, mon Dieu, pleurer de douces larmes, comme l'enfant candide et sans haine, l'enfant qui pleurait son ramier mort dans ses jeunes charmes. Oh, pleurer comme alors! Qui donc me le défend ?